Docteur Miracle part dans sa petite auto. Docteur Miracle arrive, il ausculte aussitôt. Et pour soigner la grippe ou bien le limbago, il dit que ou-i, ou-a-a, ting-tang, va-la-va-la, bing-bang. Ou-i, ou-a-a, ting-tang, va-la-va-la, bang-bang. Ou-i, ou-a-a, ting-tang, va-la-va-la, bing-bang. Ou-i, ou-a-a, ting-tang, va-la-va-la, bang-bang. Docteur Miracle, ce n'est pas un charlatan. Il soigne riche ou pauvre et le plus étonnant. Il n'a qu'un seul remède, un seul médicament. Il dit que ou-i, ou-a-a, ting-tang, va-la-va-la, bing-bang. Ou-i, ou-a-a, ting-tang, va-la-va-la, bang-bang. Ou-i, ou-a-a, ting-tang, va-la-va-la, bing-bang. Ou-i, ou-a-a, ting-tang, va-la-va-la, bang-bang. Dans la pluie de vent, il court de village en village. Il n'a pas le temps de voir le printemps. Et quand l'invite à s'amuser des amis de son âge, il dit j'ai un malade qui m'attend. Docteur Miracle accueille un jour avec stupeur la plus jolie des filles émue de sa candeur. Et quand elle répond que bien faible est son cœur, il dit que oui, ah ah, ting tang, va-la-va-la, bing bang. Oui, ah ah, ting tang, va-la-va-la, bang bang. Oui, ah ah, ting tang, va-la-va-la, bing bang. Oui, ah ah, ting tang, va-la-va-la, bang bang. Que s'est-il passé pour qu'il la garde plus d'une heure? Ça c'est le secret professionnel. Mais la jolie fille avait la mine bien meilleure. Et c'est ainsi qu'un jour sous un beau ciel, Docteur Miracle a pris la route du bonheur. Pour lui et son amour devant l'église en fleurs, tout le pays chantait le plus curieux des cœurs. Et c'était ou-i, ou